Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Humelin et bienvenue à Iconophile. Y a-t-il autre chose que des films de super-héros, hein? Il en sort un chaque jour ou presque. On dirait que tous les grands noms du cinéma se disent qu'ils doivent jouer une ou plusieurs fois dans des films de super-héros, sans quoi, ben, tu sais, c'est la mort, la fin de leur carrière. En tout cas, c'est tout comme. Est-ce que Benedict Cumberbatch avait besoin d'enfiler la cape du Doctor Strange? Pas vraiment. Côté héros, Sherlock fait le boulot, me semble. Kate Blanchett qui va se battre contre Thor, comme si Galadriel suffisait pas à son tableau. Pour l'artiste qui veut empiler les millions, bon, bah, c'est sûr que c'est facile de comprendre pourquoi la tentation est grande. Hein. Pour la société, par exemple, là, on peut s'amuser à réfléchir au sens de tout ça. Puis vous allez voir où je m'en vais avec mes skis dans le désert avec ça. Là. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Hein? Qu'on a besoin d'un héros? Oui, possible, effectivement. Comme antidote à l'état actuel des choses, comme un bonbon psychologique, comme un pansement sur un esprit collectif mal en point, oui, c'est possible. Est-ce à dire qu'on n'a pas de héros? Hein? Il faut par conséquent que le cinéma se charge de combler ce besoin émotif? Et qui sont nos héros dans la vraie vie? C'est pas facile d'en dénicher, en tout cas du moins pas en politique, là. On peut aisément opter pour des sportifs de haut niveau, des artistes internationaux qui se démarquent, des défenseurs tenaces de telle ou telle cause, mais rien qui rivalise à première vue avec un gars en caleçon rouge qui vole dans le ciel. Hein? Est-ce que, néanmoins, ceci pourrait expliquer cela? Hein? Quand on y pense, là, politiquement, on est un peu aussi à la recherche de ces super-héros, hein? Un libérateur de peuple, celui qui vaincra à main nue les requins de Wall Street, qui va faire peur à Poutine ou qui empêchera la Corée du Nord de servir de terrain de jeu à un enfant rondouillet et fou. On le cherche, semble-t-il. Il ou elle, remarquez bien, là, doivent avoir ce profil du super-héros impétueux et invincible. Mais on les cherche toujours. La gauche va vous sortir les noms de Bernie Sanders, par exemple, ou Jean-Luc Mélenchon. La droite, elle, ben, Donald Trump, mettons. Et puis quoi? Est-ce que c'est pas un peu cette envie du super-héros hors norme qui a permis justement à Trump de ravir la Maison-Blanche? Parce qu'il s'est toujours lui-même présenté comme un surhomme. Hein. Il en sait plus que tous ses généraux à propos de l'État islamique. Il en sait plus sur l'économie que tous les économistes. C'est le meilleur négociateur du monde. Il n'y a personne de moins raciste que lui. Il va construire un mur en 3 jours entre son pays et le Mexique. Il est capable de renverser les marées. T'sais. Il y en a qui ont cru à ça. En temps normal, un clown aussi grotesque aurait dû être écarté dès le premier jour. Mais non. On a apparemment besoin de super-héros capables de dompter Wall Street, de résister au pouvoir obscur de Washington, de tenir tête aux lobbies environnementalistes, de pulvériser les terroristes, de mettre à genoux la Chine, de rapatrier les emplois, tous les emplois. Les gens ont voulu croire aux héros. Ben, ça fait pas 100 jours que le super-héros aux petites mains occupe le bureau ovale de la Maison-Blanche et déjà, ben, on déchante. Hein? On constate qu'il n'y a rien d'un super-héros. Ni de surhumain, d'ailleurs. En fait, il est surtout beaucoup plus stupide que la moyenne. En fait, c'est surtout un super-menteur. Ça, oui, on lui donne. Alors donc, la déception est vivement ressentie au USA. Que fait alors le super-zéro à la peau de mandarine? Ben, il attaque la Syrie pour faire diversion, pour donner de l'héroïsme à sa présidence catastrophiquement non extraordinaire. La kryptonite de Trump, c'est la réalité. La vraie vie lui scie les deux jambes. Il est impuissant devant tant de défis bien concrets, bien réels. Peut-être finalement qu'on devrait se calmer et cesser de chercher des héros. D'abord, ça hausse indûment les attentes et ça creuse énormément les déceptions. Ça aurait sans doute pour effet de donner le goût aux gens dotés de talent et de bon sens de choisir le service public. Comme ça, ben, ce sont les sociétés entières qui pourraient profiter de ces non-héros ordinaires aux idées bien en place. À un moment donné, les gants en caleçon rouge qui volent dans le ciel, c'est bien, mais jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Après ça, ça fait peut-être un peu plus de tort qu'autre chose. « We don't need another hero », disait-elle. Hein? Bienvenue à Iconophile. We don't need another hero. Vous voulez nous trouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/iconophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben, vous allez sur iconophile.net et vous y arrivez directement. iconophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous permettre de lire ce livre-là, livre pas de super-héros, mais de gens ordinaires qui ont des idées extraordinaires. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Cette semaine, émission un peu spéciale, je reviens temporairement à la formule de départ d'Iconophile, seul au micro, mon cher collègue Jean-Claude étant en voyage, je suis très content pour lui. Donc, ce sera la formule deux fois plus économique cette semaine, un bénévole sur deux, mais une émission fort, fort intéressante à vous proposer. J'avais envie de vous parler d'espoir cette semaine, malgré ce que peut laisser croire mon message d'introduction. Je vous propose le livre de l'économiste français fort en demande de ce temps-là, Jacques Généreux, et son livre « Nous, on peut », manuel anti-crise à l'usage du citoyen. C'est un tout petit livre de 200 pages à peine, mais un message fort et encourageant, malgré les aspects fort décourageants de l'économie mondiale de manière générale. Oui, c'est très axé sur l'Europe, ça c'est clair, mais... il n'y a rien qui nous empêche d'apprendre sur l'Europe, hein, d'accroître nos connaissances générales, hein, fou de même, parce que de ça, on peut toujours retenir l'essentiel, et cet essentiel, ben, c'est plutôt universel. Donc, à la manière de Bob le bricoleur, nous pourrons dire « se libérer des chaînes du marché et des banques, nous, on peut ». Bonne émission. Donc, Jacques Généreux, dont j'ai lu quelques livres à cette émission, parce qu'il écrit bien, il écrit clairement, et parce qu'il aime bousculer les géants aussi, ça fait du bien. C'est l'acolyte de Jean-Luc Mélenchon qui cartonne actuellement en France dans la présidentielle. Il monte dans les sondages. Et Jacques Généreux a participé étroitement à la préparation du contenu économique du programme de Mélenchon. Donc, on sait clairement où il campe. Et Généreux a écrit ce petit livre-là en 2011, alors dans la mouvance de la crise. Pensez notamment à la Grèce qui avait les deux mains et les deux pieds carrément dedans. Là. Bref, Généreux veut nous dire que face au marché, face aux banques, face aux crises, un pays peut, malgré ce qu'on peut en penser, il peut toujours faire ce qu'il veut, ou à peu près, jusqu'à un certain point. Hein, et ça, on en parlera. Mais en introduction de son livre, donc, il dit ceci. En ces temps de crises multiples, l'humeur commune semble osciller entre deux sentiments. L'indignation face à l'injustice des sacrifices imposés au peuple et l'incrédulité quant à la capacité d'un quelconque gouvernement à agir autrement. D'un côté ressurgit à la critique du capitalisme et du pouvoir destructeur de la finance, de l'autre survit l'idée que, dans une économie mondialisée, le gouvernement d'un seul pays ne peut de toute façon plus faire grand-chose pour contrer le pouvoir des marchés. Ainsi peuvent coexister l'évidente urgence d'une politique radicalement différente et l'impuissance manifeste à la mettre en œuvre. Face à la crise déclenchée en 2008 par le capitalisme financier, tout le monde comprend que les États ont sauvé les fauteurs de crise, les banques et les spéculateurs, au lieu de les combattre. Face à la spéculation contre la dette publique de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, etc., tout le monde voit bien que les gouvernements se plient aux exigences des marchés financiers et font payer la facture à leurs travailleurs. Hormis une minorité de profiteurs cyniques et d'oligarques indifférents à l'intérêt général, tout le monde trouve cela révoltant. Mais au sein de cette majorité indignée, combien croient encore qu'un gouvernement puisse mener vraiment une autre politique? Où trouver le débouché politique aux légitimes protestations populaires alors que même les socialistes et les sociaux-démocrates européens se soumettent aux dictats du FMI et de la Commission européenne, adhèrent au culte de la libre concurrence, renoncent à toute rupture avec le capitalisme et avec la funeste liberté des marchés financiers? Dans un monde en guerre économique permanente, la nécessité d'être compétitif nous contraint à faire ce que l'on peut pour rester dans la course, à sacrifier des acquis sociaux trop coûteux ou des biens publics au-dessus de nos moyens et à travailler plus pour gagner moins. Et en temps de crise, les sacrifices sont forcément plus durs car les États déjà contraints par les marchés mondiaux se retrouvent de surcroît à court d'argent. Bref, toutes les politiques progressistes offrant une autre perspective que la régression sociale ont beau paraître souhaitables pour le plus grand nombre, elles n'en sont pas moins systématiquement présentées et en fin de compte assez largement perçues comme irréalistes dans le monde d'aujourd'hui. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Arrêtons-nous une seconde pour souligner l'énormité véhiculée par ce discours ordinaire. Une démocratie même minimale est impossible. Car si réellement les gouvernements n'ont plus le choix en matière d'impôts, de dépenses publiques et de partage des richesses, s'ils ne peuvent plus que s'adapter aux standards dictés par la compétition internationale, alors le vote des citoyens est parfaitement superflu. Si vraiment l'essentiel de ce qui relève de la souveraineté populaire est en fait déterminé par la pression des marchés et par la volonté des gestionnaires de capitaux, alors la démocratie n'est plus qu'une lubie insensée. On comprend donc pourquoi la rengaine de l'impuissance des nations est, avant tout, le discours des ennemis de la démocratie. Les néolibéraux tiennent ce discours non parce qu'ils croient la démocratie vraiment impossible, mais parce qu'ils la jugent indésirable. L'oligarchie cynique constituée par les profiteurs du système ne souhaite évidemment pas voir les politiques déterminées par la volonté du plus grand nombre. Allié aux cyniques profiteurs, il est aussi des fous du marché, cette foule d'économistes, de hauts fonctionnaires et d'intellectuels efficacement formatés par 30 ans de propagande néolibérale. Ceux-là sont parfois sincèrement convaincus que la décision imposée par l'équilibre des marchés est toujours meilleure que la décision issue du débat public et du vote populaire. Pour finir, la cause antidémocratique des profiteurs et des fous est habilement servie par la foule encore plus grande des ignares paresseux qui saturent les médias et ne savent que chanter l'air du temps et aller dans le sens du vent. Première partie de l'entrevue de Jacques Généreux qu'on peut trouver sur le web où il parle justement de son livre. Dans cet extrait, il aborde les contraintes de l'État en disant « oui, oui, il y en a des contraintes, c'est évident, mais l'État ne peut pas décider tout seul de tout. Un État comme la France ne peut pas décider seul de sa politique monétaire, l'Europe est là. Il ne peut pas mettre des barrières étanches à la circulation des capitaux, mais au fond, on se donne des limites qui ne viennent pas du ciel. Hein. On se donne bien les limites qu'on veut bien accepter. Des limites qui servent à qui, au fait? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des contraintes nouvelles aux États et des marges de manœuvre apparemment limitées. En effet, si vous prenez un État comme la France aujourd'hui, eh bien, par exemple, la France ne peut pas décider elle-même de sa politique monétaire, puisqu'elle est dans le cadre d'une union européenne, une union monétaire, et qui lui a enlevé une politique monétaire nationale. Elle ne peut plus modifier son taux de change puisqu'elle a une monnaie unique qui s'appelle l'euro. Elle ne peut pas interdire tel ou tel produit financier toxique puisqu'on n'a pas le droit de mettre des contraintes au mouvement de capitaux à nos frontières du fait des règles sur la libre circulation des capitaux, etc. Donc on peut faire une longue liste des contraintes qui pèsent sur un État national. Mais ces marges de manœuvre apparemment limitées ne sont pas des contraintes qui sont tombées du ciel, imposées par des martiens qui ont envahi la Terre, ou un complot de marchés financiers qui ont dit aux États, maintenant ce sera comme ça. Donc ce qu'il faut rappeler aux gens, qui est fondamental, c'est que toutes les limites qui peuvent entraver aujourd'hui l'action des États sont des limites qui ont été posées par les gouvernements eux-mêmes, par la déréglementation financière qui a commencé très tôt. En France, c'est en 1973, par une loi, qu'on a interdit à la Banque de France de concourir directement au financement de l'État. Après, dans les années 80, c'est encore par des lois qu'on a progressivement installé la liberté pour la finance, la liberté pour le capital de faire ce qu'il veut, où il veut. Ce sont les gouvernements qui l'ont décidé. Quand on a construit la coopération monétaire en Europe, on aurait pu faire un système monétaire européen avec des contrôles d'échange, des contrôles de mouvements de capitaux qui évitent la spéculation. On a choisi un système avec libre circulation des capitaux qui donne tout pouvoir aux spéculateurs. Et après, on nous a expliqué qu'à cause de ça, bien, il fallait passer à une monnaie unique. Quand on a fait cette monnaie unique, on aurait pu choisir un système dans lequel, par exemple, la Banque Centrale Européenne peut concourir directement au financement des États, peut leur prêter à 0% ou à 1%, ce qui aurait évité bien des soucis en termes de dette. On aurait pu choisir un système où les capitaux circulent librement entre nous, entre Européens, ce qui est bien normal si on fait un marché unique entre Européens, mais ne circulent pas librement vis-à-vis du reste du monde, ce qui nous met évidemment à la merci de tous les mouvements spéculatifs internationaux. Donc on a choisi une certaine façon de le faire. Et à l'époque, en particulier sur cette question, ce sont les Allemands, beaucoup, mais pas seulement, qui ont insisté pour que le marché des capitaux soit bien ouvert au monde entier, de manière en particulier à ce que les gouvernements subissent une certaine pression des marchés financiers. Les Allemands avaient peur que, avec la monnaie unique, comme il n'y avait plus de taux de change, plus de possibilité de spéculer contre les taux de change, eh bien, ils avaient peur que les gouvernements se disent « maintenant, on peut faire ce qu'on veut ». Puisque la principale limite qu'il y avait à l'action gouvernementale dans le système monétaire européen, c'était que les spéculateurs sur les taux de change pouvaient provoquer de graves crises sur la monnaie dès qu'ils n'étaient pas satisfaits par une politique nationale. Alors les Allemands ont dit « s'il n'y a plus de taux de change, il n'y aura plus de spéculation, donc les gouvernements vont faire n'importe quoi, alors il faut les remettre sous le contrôle d'autres marchés, ce sera le marché de la dette publique, le grand marché des capitaux. Quand les États emprunteront, désormais, ils devront emprunter sur un grand marché ouvert au marché mondial, et donc ils seront soumis au jugement des marchés, au jugement des agences de notation. » Je dis en effet que les gouvernements se sont passés les menottes eux-mêmes, puisque ce sont eux qui ont mis en place les soi-disant pouvoirs des marchés financiers, des spéculateurs. Les spéculateurs, les marchés financiers, les agences de notation n'ont que les pouvoirs que leur donnent les gouvernements à travers l'état de la réglementation. Donc je dis ce sont des menottes, mais des menottes en plastique en fait. C'est pour faire croire qu'ils sont prisonniers, mais ils peuvent casser les menottes quand ils veulent. Ils sont libres. Alors évidemment, on se pose la question que vous soulevez, mais pourquoi quoi ? Ils sont fous, ils se compliquent la tâche à dessein et à loisir. Et il faut bien comprendre que, en mettant l'action gouvernementale sous la pression de la finance, dans une finance déréglementée, ils obtiennent quoi comme résultat ? Ils obtiennent d'abord le fait que dans l'entreprise et dans l'économie, les pleins pouvoirs sont donnés désormais aux gestionnaires de capitaux. Gestionnaires de capitaux n'étant plus soumis à aucune contrainte, pouvant disposer d'opportunités d'investissement libres dans le monde entier, ont un pouvoir de chantage inédit sur les entreprises, sur les travailleurs et sur la société elle-même. C'est-à-dire ils peuvent dire si on n'a pas le taux de rentabilité exigé, eh bien on vire les directeurs, on délocalise, on licencie du personnel, bref, ils ont le pouvoir puisqu'ils peuvent en permanence aller chercher un meilleur taux de rentabilité ailleurs. Bien. Donc ça, c'est le premier effet de cette politique. Et donc pour des gouvernements néolibéraux qui ont un projet politique qui est de refaçonner la société avec moins de dépenses sociales, moins de services publics, plus d'assurances privées, plus d'initiatives et de concurrence privée, moins de biens communs et de biens publics. Eh bien, ce pouvoir donné au capital est essentiel pour renforcer l'exploitation du travail, l'exploitation de la société. Ce pouvoir donné au capital par la pression des marchés financiers, ça permet aussi d'exiger moins d'impôts sur le capital, moins d'impôts sur les patrimoines, sur les revenus financiers, d'exiger moins de cotisations, de charges, comme on dit, hein, entre guillemets, sociales. Bref, ça impose le dumping fiscal et social. Donc, comme il est difficile évidemment pour des gouvernements d'entrée de jeu, surtout dans les sociétés européennes qui sont habituées à un autre modèle, de dire notre projet de société c'est qu'il y ait moins de biens publics et plus d'avantages privés pour une minorité, il vaut mieux présenter ça comme étant l'effet d'une impossibilité technique ou d'une pression mondiale irrépressible. Et donc c'est ce qui se passe. Grâce à la pression des marchés financiers, au pouvoir du capital, on peut dire aux citoyens « Ah ben vous voyez maintenant, que voulez-vous ? Au niveau national, on ne peut plus grand-chose. Devant cette économie mondialisée, cette puissance de la finance, on est bien obligé de se soumettre à une discipline commune. Et donc les politiques atroces que nous vous imposons sur le plan social, et qui en effet profitent à des minorités, ben, que voulez-vous ? C'est l'effet irrépressible de la soumission à ces contraintes financières. Si on ne le faisait pas, les capitaux s'en iraient, les riches s'en iront, et ce serait encore pire. Si on ne menait pas cette politique antisociale, ce serait encore pire. Et donc, les lois de l'économie mondiale, maintenant, nous obligent à mener cette politique. Voilà, c'est à ça que sert cette apparente réduction des marges de manœuvre des gouvernements. On porte des menottes en plastique, en vérité, hein, nous dit Jacques Généreux, c'est bien possible. Comment s'étonner de ça quand on nous chante le même refrain tous les jours depuis plus de 30 ans? Hein? On n'est pas capable, on n'est pas bon, on est trop petit. Le marché, c'est une loi naturelle à laquelle il faut se soumettre. Hein? Ouais. C'est comme la mondialisation, on ne peut plus rien faire contre ça. Hein? Et même pas juste pour en réduire les effets pervers. Non, on n'y peut rien. Alors, l'économiste pose ces questions. En a-t-il toujours été ainsi? Et sinon, pourquoi, quand et comment les choses ont-elles changé? Qui a passé des menottes aux États? Dans quel but? Avec quel effet réel sur le pouvoir des uns et des autres? Le but du jeu a-t-il été atteint? Quand on veut bien considérer ces cinq questions en toute rigueur, on établit sans peine les cinq réponses suivantes. 1. Notre régime économique actuel n'est ni naturel ni invariable. Il est issu d'une transformation historique des rapports de force en faveur d'une oligarchie déterminée à déconstruire tous les compromis sociaux et politiques construits dans l'après-guerre. 2. Toutes les contraintes économiques censées limiter les marges de manœuvre des gouvernements ont été mises en place par les gouvernements eux-mêmes. Tous les prétendus pouvoirs des marchés et des gestionnaires de capitaux leur sont délibérément concédés par le pouvoir politique. 3. Le but et l'effet partiellement atteint était de briser la résistance des peuples au modèle néolibéral en les soumettant à la pression d'une guerre économique mondiale entre les territoires. 4. Dans les pays initiateurs de ce processus, le poids et le pouvoir de l'État n'ont pas reculé, mais progressé. L'État a été privatisé au service des intérêts d'une minorité privilégiée. C'est donc le pouvoir des peuples et la démocratie qui ont régressé, et non le pouvoir des gouvernements nationaux. De ce constat, il faut tirer une conclusion essentielle. Ce n'est pas le pouvoir du politique sur l'économie qu'il faut restaurer, puisqu'il n'a jamais disparu, mais le pouvoir souverain des citoyens sur leur gouvernement. 5. Le but des néolibéraux est loin d'avoir été pleinement atteint. Dans bien des domaines, la mondialisation néolibérale n'a toujours pas eu lieu, parce qu'elle se heurte à la résistance des sociétés. C'est bien pourquoi, aujourd'hui, en Europe, au lieu de protéger les peuples contre la crise du capitalisme, les gouvernements instrumentalisent la menace d'une catastrophe financière pour faire passer en force un modèle honni par les peuples qui ont commencé d'y goûter. Alors, contrairement à ce qu'on nous fait croire, on peut faire quelque chose. Il faut d'abord commencer par arrêter de dormir. Là. On dort collectivement, on dort. Ouais, solide. Et pour commencer le réveil, ben Jacques Généreux parle notamment de souveraineté nationale. Il écrit ceci. La première étape logique dans la reconstruction d'une coopération démocratique entre les peuples européens comme entre les peuples du monde consiste à restaurer d'abord toute la souveraineté populaire abolie par la mondialisation du capitalisme, là où elle peut s'exercer dans l'immédiat, c'est-à-dire au niveau national. Si, en effet, ce sont bien les peuples qui maîtrisent la conduite des politiques au niveau national, alors tout processus d'intégration supranationale éventuellement nécessaire se fera uniquement selon des modalités qui étendent la démocratie et promeuvent les biens communs à tous les peuples. Mais la nécessaire restauration de la souveraineté populaire nationale doit évidemment aller de pair avec l'intensification de la solidarité internationale des peuples. Solidarité plus que jamais indispensable face à l'urgence écologique, face aux tensions croissantes pour le partage planétaire des ressources. Dès lors, le défi politique du moment est de restaurer la souveraineté populaire nationale sans s'abîmer dans un repli nationaliste, repli qui n'est d'ailleurs promu que par des partis foncièrement antidémocratiques. Ouais, là, on voit des noms hein, en lisant ça, en France, en tout cas surtout, si on se donne le peine d'y penser. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1, c'est KRL avec David Lemelin au micro. Je vous fais la lecture du livre « Nous, on peut, manuel anticrise à l'usage du citoyen » de l'économiste français Jacques Généreux. La crise, l'austérité, toutes ces politiques servent les intérêts de qui au juste? Eh bien, l'économiste se pose cette question. Pourquoi faire? Hein? À qui ça profite? À ce propos, sa réponse est très intéressante. Dans une certaine mesure, je pense que pour certains d'entre eux, la crise est une aubaine, en quelque sorte. Et je pèse mes mots. Voilà des gouvernements, des partis politiques, des leaders politiques qui, depuis 20 ans, 30 ans parfois, en particulier en Europe, essaient d'imposer un nouveau modèle de société dans lequel il y aurait moins de dépenses sociales, moins d'assurances sociales, plus de marchandisation, hein, de la santé, de l'éducation, enfin bref. Leur modèle, c'est l'extension du modèle du marché et de la concurrence privée à tous les domaines de la vie sociale et de l'activité économique. Bien. Dans des sociétés qui ne sont pas très disposées à ça, sociétés européennes qui ont pris l'habitude d'un autre modèle, où l'État joue un rôle plus important, où la solidarité collective joue un rôle important également. Bien. Donc c'est pas facile. Ils ont un projet politique qui heurtent quand même une bonne partie des opinions. Donc ils ont du mal. Et la preuve qu'ils ont du mal, c'est qu'en 30 ans de soi-disant mondialisation du néolibéralisme, je suis désolé, mais regardez l'état de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Certes, les services sociaux ont pris quelques blessures, quelques coups de couteau ici ou là, mais les modèles sociaux sont encore assez largement en place, en réalité. C'est-à-dire que c'est difficile. Voilà. Ils ont un modèle de société qu'ils n'arrivent pas à faire passer dans les faits, et en plus, avec les crises à répétition, et le changement de l'opinion vis-à-vis du capitalisme petit à petit, je pense qu'ils savent qu'ils sont en réalité probablement en train de perdre la bataille idéologique. C'est-à-dire que le grand mouvement en faveur de la liberté, de la concurrence, des années 80, du début des années 90, c'est fini. dans la culture. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout le monde sait que ce vaste mouvement-là, en matière économique, ça n'a pas produit le progrès, ça a produit la pauvreté, la misère, etc. Et surtout un système de travail épouvantable pour les êtres humains. Donc ils savent que c'est en train de se retourner. Et donc là, patatrac, arrive une grande crise financière, une grande crise du capitalisme, une grande catastrophe. Alors, la grande catastrophe, ça a un grand avantage, c'est que, et en général, ça profite souvent à la droite, ça profite souvent au mouvement réactionnaire, rétrograde, etc. Pourquoi ? Parce que ça permet le gouvernement par la peur. Ça permet, je dirais, d'anesthésier les résistances, hein, ou de les étouffer, et de tétaniser les citoyens en leur disant « Attention, la situation est dramatique, nous allons tous mourir, etc. » Regardez ce qui se passe à la veille de chaque sommet européen en Europe. On nous dit que c'est les 5 minutes avant la catastrophe, c'est la dernière chance pour sauver l'Europe et pour sauver le monde. Bref, il y a une dramatisation. Hein. Fillon qui dit qu'il est à la tête d'un État en faillite, bref. Donc la crise permet de placer l'opinion et les citoyens dans une situation de tétanie par la peur, par l'incertitude, par l'angoisse face à l'avenir. Et donc c'est une occasion idéale pour essayer de faire passer à coup de force ce que en temps calme et en temps normal, vous auriez beaucoup de mal à faire passer. Et donc voilà ce qui est en train de se passer objectivement. Alors après on peut discuter, je ne sais pas répondre à votre question, savoir est-ce que vraiment c'est un calcul intelligent, cynique, ou est-ce que c'est par hasard, ou est-ce que c'est par bêtise ou idiotie qu'ils font ceci, etc. Peu importe, laissons ça, je dirais à la limite, aux psychologues. Mais regardons les faits. Dans les faits, c'est que la réalité est que cette crise est instrumentalisée par les gouvernements pour, dans un climat de peur, imposer des politiques de rigueur, imposer des politiques de casse du système social qui n'arrive pas à mettre suffisamment rapidement en œuvre par temps calme. Regardez ce qui se passe en Grèce. Si on croyait vraiment une seule seconde que par l'austérité on allait régler le problème de la dette, franchement c'était se fiche de la figure des gens. Tout le monde sait très bien que par ces politiques-là, on ne fait qu'aggraver le problème de la dette. Donc si véritablement l'objectif avait été dès le début de sortir la Grèce de son problème de surendettement, on aurait annulé une partie de la dette, on aurait demandé à la Banque centrale d'en racheter, on aurait fait tout, sauf les plans que l'on a décidé de faire. Or, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque à la retraite, on s'attaque à l'emploi des fonctionnaires, on s'attaque au salaire de la fonction publique, on demande des privatisations, on fait quoi ? On met en place le modèle néolibéral. Recul de l'État, recul des services publics, privatisation, libre-échange, et on sauve, comme toujours, évidemment, le pouvoir de la finance et les banquiers. Donc en fait, la crise est en effet exploitée, instrumentalisée, pour faire passer dans certains pays, à marche forcée, les politiques néolibérales. Autrement dit, exactement comme dans les années 80 et 90, la crise de l'endettement dans les pays pauvres ou les pays émergents, a été utilisé par le FMI pour imposer les fameux plans d'ajustement structurel qui étaient le moyen simplement d'imposer le modèle du capitalisme financier, libre-échangiste et néolibéral dans les pays en développement. C'est ça qu'on est en train de faire en Europe. La crise sert objectivement à cela. Et donc voilà pourquoi ils ne luttent pas contre la crise. Voilà pourquoi ils sauvent la finance et non pas les peuples. Alors, bien sûr, dans les équipes et les gouvernants qui promeuvent ce type de politique, je pense qu'il y a un certain nombre d'individus les plus intelligents qui ont conscience de cette utilité de la crise. Ils sont épaulés par une armée d'idéologues et de politiciens bornés et têtus qui ne veulent pas entendre d'autres politiques simplement parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont appris que celle-là. Donc il y a aussi des idéologues, hein, des fous d'idéologie, il y en a certainement aussi. Et il y a aussi, je pense, une bande non négligeable de crétins, d'idiots complets, qui ne savent rien, qui ne comprennent rien et qui sont juste les serviteurs, soit des cyniques, soit des idéologues. Tout cela existe. Mais comprenez bien évidemment que notre préoccupation, nous en tant que citoyens ou en tant qu'intellectuels qui analysons la situation, n'est pas tellement de faire la part entre les cyniques, les idéologues et les idiots, c'est de comprendre la réalité. La réalité, c'est que la crise sert, par la peur qu'elle inspire, à imposer un modèle de société nouveau. Et donc c'est pour ça effectivement que pour les forces révolutionnaires, les forces de progrès social, elle doit aussi être instrumentalisée, mais d'une autre façon, parce que du chaos qui est en train de s'installer, eh bien, peut naître autre chose. C'est l'utilité et l'intérêt du combat politique et de ne pas laisser cette crise être instrumentalisée uniquement par les droites conservatrices, par les réactionnaires néolibéraux, mais de savoir aussi en tirer profit pour mobiliser les peuples en leur montrant, d'où l'utilité de la pédagogie du « nous on peut », en leur montrant que d'autres politiques sont réellement possibles. La crise est une aubaine pour ceux à qui ça profite. On instaure la peur et ça finit avec le temps à figer les esprits, à geler les citoyens qui pourraient être tentés de changer les choses, nous dit Généreux. Hein? Pourquoi j'essaierais de changer les choses? C'est comme ça que ça marche, hein? On n'y peut rien. Mais pour changer les choses, Généreux ne fait pas que philosopher, il explique comment. Alors son livre est tout de même concret, il donne des pistes de solutions, des idées. Il nous dit notamment de ne pas avoir peur des représailles, de ne pas se laisser endormir par les menaces du type « on va perdre nos meilleurs cerveaux » ou « on vivra une fuite massive des capitaux » ou « de la baisse de la cote de crédit ». Hein? Généreux répond à toutes ces menaces-là dans son livre et puis il aborde les questions d'endettement, de relance de l'économie dans un segment intitulé « Comment relancer le progrès économique, écologique et social sans déficit excessif ?» Il écrit « Pour résoudre au mieux notre problème, l'idéal serait de pouvoir augmenter les recettes publiques à court terme en même temps que les dépenses, et ce de telle manière que la hausse des impôts ne pénalise pas l'activité et l'emploi. On le verra ci-dessous, ce scénario idéal est réalisable, notamment grâce à l'élimination d'une large part de la dépense fiscale. Notre plan d'action a donc ici deux volets, la relance de l'économie et la restauration concomitante des recettes publiques. Relancer l'activité et l'emploi. Comment? Hausse des bas salaires. Investissements publics écologiques et sociaux. Politique sélective du crédit menée par les banques publiques en coordination avec les banques mutuelles et coopératives. Celles-ci financent à taux réduit des activités d'intérêt public, logement social, énergie renouvelable, reconversion vers une agriculture durable, association coopérative. Création d'emplois publics dans tous les services publics sinistrés, justice, éducation, hôpitaux publics, inspection du travail, services publics de l'emploi, etc. Le développement des services publics est également conforté par la fermeture des secteurs concernés à libre concurrence, la nationalisation ou la mise en régie municipale de l'énergie, de la distribution d'eau, des transports collectifs, etc. Création directe d'emplois privés par l'institution de normes minimales d'emploi dans les services non délocalisables. Personnel de conseil dans la grande distribution, limitation du recours aux automates et aux serveurs vocaux, personnel d'accueil dans les stations-services, etc. Ces mesures n'entraînent aucune dérive vers un endettement excessif de l'État, d'abord en raison de mesures susmentionnées concernant la restructuration et la renationalisation de la dette. Ensuite, parce qu'elles s'accompagnent d'une réforme fiscale qui élimine l'essentiel de la dépense fiscale, niche pour les riches et les revenus financiers, exonérations inutiles, etc., et qui rétablit des impôts fortement progressifs sur le revenu et la fortune. Enfin, parce que la création d'emplois et la nouvelle croissance écologique et sociale soutenue par ces politiques génèrent à terme l'autofinancement de la dette. Et puis, quand on revient à l'essentiel, à ce que ce petit livre propose avec son titre ambitieux et un peu prétentieux « Nous, on peut », oui, semble-t-il, alors à ce propos, l'auteur nous dit ceci. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, la raison finalement de ce « nous, on peut hein, », ce cri d'engagement, c'est quoi? C'est ça part de la prise de conscience que la première chose qui bloque en réalité les possibilités de politiques différentes. C'est certainement pas des impossibilités techniques ou économiques, c'est le fait que les gens n'y croient plus. C'est-à-dire qu'on a réussi à installer dans leur tête la rengaine de l'impuissance. On a réussi à leur faire croire que de toute façon, maintenant, c'est foutu. Le progrès, c'était bien, mais c'était pour autrefois. Que maintenant, on ne peut plus, avec la mondialisation, les nouvelles lois de l'économie, plus aucun gouvernement n'a la possibilité de faire ce qu'il veut. Et une fois que vous avez réussi à mettre ça dans la tête des gens, ben, ils se démobilisent, certains ne vont plus voter, ils sont dans le découragement. Finalement, c'est cela qui interdit le changement de politique. Et donc, cette politique subversive est absolument nécessaire. Parce qu'il ne suffit pas simplement qu'il y ait des économistes comme moi et d'autres qui expliquent qu'on peut faire autrement. Il faut que ça devienne une réalité tangible et concrète. Or, il faut savoir qu'il suffit que ça devienne une réalité tangible et concrète dans un seul endroit. Ça pourrait être le cas au Luxembourg ou en France, un pays. Si c'était au Luxembourg, ce serait encore mieux. Parce que Luxembourg, c'est un petit pays. Durant un petit pays, on dit qu'il n'a aucun pouvoir. Si vous avez un changement, on peut rêver au Luxembourg, un nouveau gouvernement qui est contre le paradis fiscal, contre le paradis financier, qui réglemente la finance, qui viole tous les traités européens et qui met totalement une autre politique. On va dire quoi, comment ce petit pays qui ne vivait que de ça, qui dépendait que de ça, il peut faire autrement. Ce qui montre bien que c'est juste une question de choix et de volonté politique. Donc si vous avez un seul pays qui mène cette politique subversive en restant dans l'euro, dans l'Union européenne, eh bien, en quelques secondes simplement, c'est toute cette rengaine de l'impuissance qui est détruite dans l'esprit des gens. Tout d'un coup, cette idée qu'un pays ne peut pas tout seul agir, qu'un pays ne peut pas surmonter la pression des marchés financiers, qu'un pays, face à l'Europe libérale, s'il est isolé, il ne peut pas changer tout seul. Quand vous avez un qui le fait, tout simplement, ben, du jour au lendemain, cette idée de l'impuissance a disparu. C'est ce que j'appelle le bouleversement dans la représentation des possibles. Et quand vous représentez de manière radicalement différente les possibles, ça change la politique. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant tout ce temps de crise en Europe, avec le printemps des révolutions arabes. On ne sait pas comment ça va évoluer. Dans certains cas, on voit que ça part dans le bon sens. Dans d'autres, on peut avoir des inquiétudes. Peu importe. La réalité. Et la première leçon de ce qui s'est passé dans le monde arabe, c'est quoi? C'est qu'il a suffi que dans un seul pays, la Tunisie, un dictateur s'en aille simplement parce que des gens avaient manifesté dans la rue, pour des raisons sociales, pour la suite de la révolte hein, et du geste d'immolation d'un malheureux. Il a suffi d'une révolte populaire, mais de manifestation dans la rue, pour qu'un dictateur s'en aille. Et donc tout d'un coup, ce que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire que des dictateurs s'en aillent simplement parce que les gens ne sont pas contents, simplement parce qu'ils prennent la peine de descendre dans la rue pour gueuler et de dire « il y en a marre !» Dictateur s'en va. Mais donc c'est possible, c'est possible, comme ça s'est passé de manière finalement relativement pacifique en Tunisie. Comment? Mais par la simple mobilisation populaire, on peut chasser les dictateurs, il suffit de le demander. Mais à partir du moment où cet événement se produit, mais dans la nuit qui suit, dans l'ensemble du monde arabe, dans les consciences, dans les esprits, apparaît l'idée, mais ce qui est possible là, ben, ça doit être possible partout. C'est possible. Et donc si c'est possible, il faut que ce soit réalisé partout. Et c'est pour ça que vous avez ce mouvement, cette déferlante d'aspiration à la liberté et au changement. L'aspiration à la liberté, elle était là avant, mais les gens pensaient que ça n'était pas possible. Et donc quand vous avez un qui montre que c'est possible, ça change tout. Donc ce sera la même chose en Europe, sur un autre sujet, sur un autre problème. Nous ne sommes pas à la recherche de la liberté de vote et de la liberté de changer de gouvernement à notre gré, nous l'avons déjà. Mais le problème justement, c'est qu'aujourd'hui, quand on change de gouvernement, ça ne change plus de politique. Et donc du coup, les gens n'y croient plus et ne vont plus voter. C'est pour ça que le jour où vous aurez un seul gouvernement, dans un seul pays, qui mène réellement une politique radicalement différente et qui montre à nouveau que c'est possible. Un, ça redonne confiance en politique. Un, ça remobilise partout en Europe les gens pour aller voter et pour dire quoi? Nous, on veut un gouvernement comme celui-là. Alors si celui-là, c'était la France, ça pourrait être, pourquoi pas, avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, hein, pourquoi pas, eh bien, c'est cet exemple-là qui serait suivi. Et je vous garantis que c'est peut-être le meilleur moyen, d'ailleurs, d'obtenir que les choses bougent en Europe. Pas de manière unilatérale, mais il faut qu'un pays commence. Si la France commençait, à agir de manière unilatérale en violant les traités européens. Le résultat, à mon avis, un des résultats probables, je ne dis pas que c'est le plus probable, mais probable, c'est que beaucoup d'autres pays européens voudraient limiter à cause de la pression populaire. Ils diraient, bah, regardez les Français, ils ne sont pas idiots. Ils gardent les avantages de la construction européenne, ils ne la foutent pas en l'air, mais en même temps, ils prennent toutes les libertés nécessaires pour sortir de la crise autrement que par l'austérité. Eh bien, on veut faire pareil. Vous croyez que les Grecs, les Portugais, les Espagnols, etc., les Italiens supporteraient encore le discours de la nécessité, de la rigueur, de la suppression des postes, de la baisse des salaires, en voyant les Français prendre le contrôle de leur banque centrale, racheter la dette publique avec de la monnaie papier? Ils diraient, non, ils ont raison, on va faire pareil. Et je crois qu'à ce moment-là, tous ceux qui résistent, tous ceux qui ne veulent pas de ces solutions, seraient au pied du mur. Ils auraient le choix entre une situation où chacun va faire comme il veut, et de toute façon, donc ça aura lieu, ou le choix d'être encore acteur dans le mouvement en décidant qu'on se met tous autour d'une table pour s'entendre sur la façon de la faire de manière ordonnée et dans le sens de l'intérêt général des peuples. Et voilà les fameuses négociations. Les fameuses négociations que le Parti Socialiste espère simplement de son beau sourire à la table en disant on aimerait bien discuter, et qui se heurtera évidemment exactement comme Nicolas Sarkozy, qui peut-être est moins capable de faire de beaux sourires que les socialistes à leurs partenaires sociaux-démocrates, mais qui se heurte au même absolu de partenaires. Quand vous avez un partenaire qui dit je vous demande pas votre avis, je le fais, mais maintenant que je l'ai fait, si vous voulez qu'on en discute, j'y suis prêt. Et voilà, là, vous changez le rapport de force. Donc, en effet, ce bouleversement des possibles par l'action subversive d'un seul pays européen, c'est ça la seule chose déterminante qui a une chance de sauver l'Union européenne et de permettre sa refondation. Parce que si ça ne se produit pas de cette manière-là, si ça ne se produit pas par des pays qui restent dans le cadre, dans l'euro, dans l'Union européenne, ce qui va se passer, c'est que sous la pression populaire et dans l'exaspération de politiques folles qui nous maintiennent dans la crise et qui nous conduisent vers l'abysse, eh bien, il y aura un éclatement de l'Union européenne. Et ceux qui gagneront, ce seront les nationalistes, ce seront les anti-européens, hein, ce seront ou des droites conservatrices anti-européennes. Et on aura pour longtemps détruit ce qui a quand même été justement un des ferments de la paix en Europe, qui était cette construction et ce rapprochement des peuples. Le seul moyen de le préserver, c'est de désobéir. Le seul moyen de sauver l'Europe, c'est de lui désobéir. Et le meilleur moyen de contribuer à son éclatement, eh bien, c'est de respecter des traités qui aujourd'hui se font contre l'intérêt des peuples. En conclusion du livre, on trouve une préface, et oui, signée Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle de France et ami de Jacques Généreux. Ici, il parle du peuple, de celui qui, au fond, peut et doit prendre le contrôle de sa destinée. Alors Mélenchon écrit « Chaque fois, tout commence par le fait que le peuple se met en mouvement. Sa raison d'agir est d'abord sociale. C'est pour régler les problèmes simples du quotidien, alors qu'aucun décideur ne semble capable de faire, que le commun des mortels pose la question de savoir qui décide de ce qui doit se faire. Ce n'est pas par hasard que la voix du peuple crie partout des slogans similaires. « Qu'ils s'en aillent tous, dégage, nous resterons tant que vous ne serez pas partis. » La déchéance des tout-puissants incapables est le premier verdict révolutionnaire. Il commence dans l'indignation. Il se prolonge dans l'exaspération, il s'exécute dans la rue. Ainsi est posée la question du pouvoir et, avec elle, l'exigence démocratique. Aussitôt, la citoyenneté est l'objectif autant que le moyen d'action. Les puissants répondent d'abord par des promesses. Le peuple les reçoit comme une confirmation de ses critiques, mais aussi comme un aveu de l'impuissance de ceux qui parlent au quart de tour mais ne font rien tout de suite. Telle est la dynamique des révolutions de notre temps. Qu'il est frappant de constater qu'en Bolivie, comme en Islande, à Caracas, comme à Tunis, le changement constitutionnel est la première revendication commune à tous les secteurs de la société insurgée. Pour autant, ces révolutions ne changent les institutions et la hiérarchie des normes au poste de commande que pour régler des problèmes concrets. Aucune idéologie là-dedans, juste du sens pratique. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, en quelque sorte, que les questions politiques les plus complexes sont résolues sous l'empire de l'intérêt général et du droit de chacun à aider à le discerner. Ainsi vont notre temps et cette nouvelle saison de l'histoire. Les peuples s'assemblent sur les places publiques, nouvelle agora des révolutions, urbaines, jeunes, scandant des mots d'ordre universaliste. Le peuple est sur place, place au peuple. Nous sommes donc prêts à gouverner autrement si le grand nombre le décide. Le peuple qui occupe les places des villes est notre boussole, raison pour laquelle nous disons qu'il est temps de faire place au peuple. Et nous reprenons à notre compte la vérité révolutionnaire de Condorcet. On ferait beaucoup plus de choses si l'on en croyait moins d'impossible. Car le pire pour nous, ce ne sera pas la crise. Le pire serait que nous n'arrivions pas à en tirer un monde nouveau. Côté actualité, je m'étendrai pas trop à commenter seul l'actualité, c'est moins le fun, là, mais juste pour vous dire, United Airlines, hein, quelle fascinante ironie. À peu près tout le monde a vu les images du passager qu'on expulse violemment de l'avion parce qu'il refuse de céder son siège à un employé de la compagnie. Les images ont fait le tour du monde probablement 8 fois. Eh bien, c'était une mauvaise idée de faire ça, mauvaise même jusque dans les fondements même de l'économie capitaliste. Hein. Les parts de United Continental Holdings, là, qui est la compagnie mère de United Airlines, y ont perdu au lendemain du scandale 4%. Ça a l'air de rien, mais ça fait fondre la valeur de la compagnie d'environ 900 millions de dollars américains sur une valeur d'environ 21 milliards. C'est beaucoup. Perdre 1 milliard parce qu'on surbooke les réservations de sièges, qui est une pratique établie, oui, mais finalement, une très mauvaise pratique. Parce que pour éviter d'avoir 8 sièges vides, ben on se retrouve au bout du compte avec quoi, à perdre 1 milliard. Une mauvaise gestion du début à la fin de cette histoire parce que la gestion de crise de l'incident n'a pas été mieux. Hein. Ce qui m'amène à dire, on dira ce qu'on voudra, mais les réseaux sociaux ont des effets nuisibles, oui, certes, et d'autres franchement positifs. Jamais United Airlines aurait été ennuyé autant si ça n'avait pas rebondi partout dans les réseaux du monde. Jamais elle aurait perdu de la valeur en bourse, là, jamais. Les réseaux ont aussi contribué, c'est évident, à la colère contre Bombardier, qui elle aussi, d'ailleurs, a vu son image corporative en prendre un méchant coup. Par cupidité, ses dirigeants ont peut-être salopé le nom de l'entreprise pour des années et des années. Alors tout ça, ça fait réfléchir. Hein. Il n'y a pas que ça, bien sûr, les médias traditionnels dans la balance ont, avec les réseaux, rendu le poids carrément insupportable. Mais bref, pour ça, pour les réseaux, là, vraiment, chapeau! Nous, on peut, de Jacques Généreux, un livre qui est un peu comme un pied de nez à ceux qui acceptent sans broncher les menottes de la mondialisation et des lois du marché. Un petit manuel qui fait du bien à lire. Alors, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.